Première mise à feu. Parce que la guerre règne et que les gens pensent que tout baigne. La guerre, le son des insoumis. La guerre, le face à face peut commencer. J'ai pas si clair, j'ai pas vu. Le son des insoumis, les tarsons se rebondent. Moi j'suis paré pour le bras de fer. Le cœur sur la main et pas l'inverse. Le système fait rien pour, donc j'la ferme. Mon caractère permet pas de faire un tour. Je sais dire pardon, mais faut pas me pousser un bout. Mon fardeau, j'le traîne sans tabou. Donc pourquoi j'ferai un don? Les gens n'estiment pas le peu de chance qu'ils ont. Plus ils pensent qu'ils ont raison, plus j'me réfugie dans ma forêt sombre. Ça paraît simple, voir la lueur dans un tunnel. Simple comme kicker sur un sombre, merci pas, c'est naturel. Rap de rap, c'est ma tutelle. Pour que ça finisse à l'hôpital. Donc si j'ouvre ma gueule, plus dans mon rap, c'est profitable. La tour sur l'échiquier, viendra peut-être te checker. Dans une main, gros chèque, dans l'autre main, c'est un concept. Beaucoup de cons acceptent et finissent à laver les trottoirs. C'est tard le soir, tu les recroises quand t'es accoudé au comptoir. Jusque je suis avant de finir sous terre, tous rongés par ces sales rats. Faut pas baisser les bras si tu te sens mal, bon on en parle. Ça sent la révolte à l'heure des votes, j'instaure la crise et la panique. Regarde dehors, rien que ça se passe, t'as pire qu'à la prise de la Bastille. Depuis que nos fils dégradent, la balle est dans notre camp. Le but c'est de viser le cadre, j'ai plus que des idées crades. Donc y'a plus le choix, il faut que l'élite écrame. Va pas me dire, reste poli, petit gars, la reste prolifique. Car même la folie qui parle vaut plus qu'une promesse de politique. Car ma clique s'investit grave pour lutter contre la soumission. Si Marine aime la levrette, elle sera gâtée, je reste sur mes positions. C'est dans la merde que l'on brille, que l'on brille, que l'on brille, que l'on brille ce putain de salaire. J'ai pire que les nerfs quand je vois que les merdes s'accumulent autant que les putains de salaire. J'suis pas dans mon assiette, la preuve j'ai même plus d'appétit. On me casse tellement du sucre sur le dos que j'ai peur d'en devenir diabétique. Les soucis frappent les petits, c'est pour ça que sur le passé j'comate. On marche tous au satan, pas la peine nous passer de la pommade. Mentalité sondant, j'me s'applique pour faire beaucoup de dégâts. Pour ceux qui ont plus d'éthique, voilà ma clique, pareil pour le coup d'état. Mentalité de soumis, mec, tu connais aussi. Nos stylos font des bavures comme ces putains de flics. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes sont dangereux, on reste tous en marche. À vos règles du jeu. Mentalité de soumis, mec, tu connais aussi. Nos stylos font des bavures comme ces putains de flics. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes sont dangereux, on reste tous en marche. À vos règles du jeu. Si je devais saisir la justice, ce serait par les cheveux. Car les lois sont faites par les riches et ne protègent que. Une balle barre et qui sait qui paiera. Un de mes frères pliés par un ribou couvert par un avocat. Toujours les mêmes histoires depuis. Et quand un innocent est si fait tuer, personne ne s'en fout. Ok, je suis pas là pour tuer le temps, mais pour tuer des MC qui ont oublié leur mission et se prennent pour des mérites. Mais qui? Moi je n'ai jamais joué avec un mic dans les mains. Quand les mots fusent, c'est dangereux. Voilà mon arme de poupou de poing. Et c'est le pied, la démocratie m'autorise à gueuler. Mais dès que la vérité te blesse, pour nous c'est pieds et poignets. Si c'était qu'une fois, le père aux deux mains gauches et deux bras droits. À la main baladeuse, que les mains courantes n'arrêtaient pas. L'homme aux deux visages, l'un qu'on dévisage à son passage. Et puis l'autre qui fait fissa, le fils au dentelé, au couteau dentelé. L'homme en danger qu'il avait engrangé. L'enfant sans passe droit, l'homme qui ne marche pas deviendra quoi plus tard, sans foi ni loi. Sans foi ni loi, sans foi, toujours à pied devant l'autre. Sans foi ni loi, malgré les coups d'épée dans l'eau. Sans foi ni loi, c'est la devise de l'État. La justice ne blanchit pas les pauvres et surtout pas les renois. Et ouais, gars, sache ça, quand on n'a pas de preuves, on en fabrique. Pas d'avocat conduit souvent à casser des briques. Avec vous, j'en ai pas fini. Voici l'insoumis précise, crédit au récit. Réfléchisse ton chichi qui dans ta face. Et puis les siècles, la chasse aux sorcières continue. Tes quatre vérités, c'est que tes innocents connaissent tes quatre murs. J'raille cool, t'es pas de mal avec un j'raille cool. Qui ferait me défaire de ses fers en forme de bracelet. Pas tant de penser que tu te retrouves les bracelets. Genre, pas mal de souhaits absents lorsque les phrases se laissent aller. La vie est salée, juste pour les souhaits ici passer. Hein. Faut que je trouve l'échappatoire, chien, pourquoi pas toi? Tout ça là-bas, toi, comme un laboratoire. Donc, bat toi, trop de bâtards qui par les lois t'ont martelé. Trop de parlotte de leur télé, on a le cerveau écartelé. Ça me sort pas les trous des, les vrais mal tournés. Qui dit je suis invulnérable et cela fait ma tournée. Des HSP fallumés, dire qu'elle est ajumée. Soumis c'est pas demain que j'admets. Mais faut ne jamais dire jamais. Ça mène à garder la lune, l'arrêter au pied de la butte. Des efforts fournis pour maintenir le bleu de la butte. T'as vu que ça fut que les idées farfelues. Ce farfelu seront parvenus. Bienvenue dans la tête des putes qui veulent nous lever. Ne baisse pas les bras, même s'il faut qu'on te retrouve dans un sale état. Moi j'aime pas tes lois, j'aime pas tes choix, j'ai buté cette fois. Tends-moi la main sans but, en plus j't'en bute tes 5 doigts. Comme quoi, je vais me plier à tous tes codes ou règles. J'suis comme tes boîtes au rêve, ces 3 quarts des flics sont cotorettes. Pour tout reste, car ici on est chez nous. Battez-vous, ça craque, on bat tes tours. Colonne vertébrale en vrac, j'aurai pas d'argent sur mon dos. Sur fond de triste crise, montrant une armée de commandos. Pas un nationaliste, jeune voyouseur, n'a rien d'un kamikaze. Je monte la résistance révolutionnaire, ou juste un gars qui casse. L'autre me gratte jusqu'au bout des doigts. Insoumission, rêve de finir sur un coup d'état. Coup d'état, coup d'état. Mentalité de soumis, mec, tu connais aussi. Nos stylos font des bavures comme ces putains de flics. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes sont dangereux, on reste tous en marche. À vos règles du jeu. Mentalité de soumis, mec, tu connais aussi. Nos stylos font